Tu entendras que j'étais rebelle dans mon passé, qu'au bord des abîmes j'errais. Mais aujourd'hui, je ne suis que ton amour et ton bâton. Noble dame, que j'ai tant désiré. Car chaque jour révèle ta beauté. Devant toi, toute fureur, je rengaine. Et je cède encore plus à ta franchise qu'au savoir que j'ai vu dans le monde. Sur les tyrans qui seront des sables, sur les colères et les conspirations, tu m'éloignes des batailles et des marées, guérissant humblement les trahisons. Et si j'étais la nuit, les rochers, leurs tranchants, aujourd'hui je suis ton refuge et ton puits. Et toi, une clarté qui n'exige rien, quelque chose de Dieu, mon cœur tranquille. Car chaque jour révèle ta beauté. Devant toi, toute fureur, je rengaine. Et je cède encore plus à ta franchise qu'au savoir que j'ai vu dans le monde. Sur les tyrans qui seront des sables, sur les colères et les conspirations, tu m'éloignes des batailles et des marées, guérissant humblement les trahisons. Et si j'étais la nuit, les roches et leurs tranchants, aujourd'hui je suis ton refuge et ton puits. Et toi, une clarté qui n'exige rien, quelque chose de Dieu, mon cœur tranquille. Et si j'étais la nuit, les roches et leurs tranchants, aujourd'hui, je suis ton refuge et ton puits. Et toi, une clarté qui n'exige rien, quelque chose de Dieu, mon cœur tranquille.